prof qu'il nous faut chanter, mais pour y arriver, faut que je suis bourré. GPS, on a été très GPS là. Non? Ah bon? Bah, pendant ça, je sais plus où je suis.